l'aise. J'ai besoin de te savoir près de moi, sentir que tu es là. Rallume cette étincelle dans mes yeux qui voulait dire qu'on était heureux. Reviens et ramène-moi ce sourire qui s'est éteint en te voyant partir. Trop de souffrance dans mon cœur, dans mon cœur. Je souffre de ton absence. Sans toi je sombre dans le malheur. Je sombre dans le malheur. Je meurs chaque fois que j'y repense.